L'œuvre de Mélanie Klein est de celles qui ont le mieux contribué à la connaissance de notre être en tant qu'il est un mal-être, sous ses divers aspects. Schizophrénie, psychose, dépression, manie, autisme, retard et inhibition, angoisse catastrophique, fragmentation du moi, entre autres. Et si elle ne nous livre pas de clés magiques pour l'éviter, elle nous aide à lui donner un accompagnement optimal et une chance de modulation en vue d'une reconnaissance, peut-être. Où est Clytemnestre ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Je te cherchais. L'autre à son compte. Aïgo, tu es mort, très chère force d'Égiste. Tu l'aimais bien. Avec lui dans le même tombeau, va coucher. Il est mort et tu ne peux le trahir. Épargne, mon petit, respecte mon enfance sainte où tu as tant de fois dormi et où tes lèvres ont sucé le lait si bon. C'est le destin, ô mon enfant, qui fut la cause. C'est aussi le destin qui prépare ta mort. Ne redoutes-tu pas la malédiction d'une mère, mon enfant ? D'une mère qui m'a jeté dans l'indigence. Rejeté, dis-tu ? Dans cette demeure hospitalière ? Deux fois vendu, moi, le fils d'un père libre. Tu veux donc, ô mon enfant, tuer ta mère ? Non, pas moi. C'est toi-même qui la tue. Vois, crains les chiennes enragées d'une mère. Comment fuirai-je, rétive, celle d'un père ? Je pleure enfin, vivante au seuil de la tombe. Je n'entends que la voix de mon père qui siffle. Oh, Ego ! Le voilà donc, ce serpent que j'ai nourri. Impie ! Meurs d'une arme impie ! Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. Bonjour Julia Kristeva. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Nous allons parler de Mélanie Klein aujourd'hui ensemble. Nous avons 50 minutes pour en parler. Vous lui avez consacré un ouvrage dans le cadre d'une trilogie sur le génie féminin. Vous nous en direz plus dans un instant. Mais une des premières choses qu'on peut dire de Mélanie Klein, c'est que l'un de ses apports à la psychanalyse, c'est non pas le meurtre du père, Freud en avait parlé, mais le meurtre de la mère, comme ce qu'on vient d'entendre, Oreste qui tue sa propre mère. Oui, on peut résumer son apport à la psychanalyse ainsi. En effet, il consacre un texte qui est d'ailleurs un de ses derniers textes. C'est l'apothéose, en quelque sorte, de son œuvre, où elle se penche sur ce moment extraordinaire de la mythologie grecque, où, en effet, Oreste tue sa mère pour venger son père. Et Hélecte n'est pas très loin de cette idée. Donc, c'est le meurtre du père qui est, en quelque sorte, fondateur de la liberté. On connaît par d'autres écrivains et philosophes le destin d'Oreste comme matricide libérant la liberté. Je pense aux mouches de Sartre, par exemple, où l'idée fondamentale, comme chez Mélanie Klein d'ailleurs, serait pour être vraiment libre, il faut se débarrasser du monstre maternel. Et cette capacité de Mélanie Klein de s'attaquer à Oreste, elle la vit comme l'aboutissement de son athéisme. Mais ça veut dire déiste, elle reste déiste parce que elle tient beaucoup au langage et au fait qu'il y a des symboles dans la vie. Pour elle, le meurtre de la mère n'est pas du tout nihiliste, mais ça libère l'homme de la dernière entrave qui est l'emprise maternelle et lui permet de se dresser contre Dieu. Tuer la mère est un acte déicide, dit-elle. Ça veut dire que la mère est forcément un monstre ? Vous avez parlé de monstre maternel. Oui, parce que elle développe, en effet, dès le début et en contradiction avec Freud, parce qu'elle est la fondatrice, on va y revenir peut-être plus largement sur le plan historique, mais on va dire que, grosso modo, elle est la fondatrice de la psychanalyse des enfants, même si Freud a commencé par le petit Hans et d'autres autour de lui ont travaillé dans ce domaine. Mais elle s'est attaquée, non pas à la relation de l'enfant au père, à l'idée Oedipe que chacun connaît avec Freud, qui consiste à dire ensemble que la subjectivité de chacun de nous, fille ou garçon, vient du fait qu'on aime sa mère et on veut tuer son père. Et c'est ainsi qu'on entre dans le système des valeurs. Elle s'empare de cette idée de la destructivité qui nous habite, de l'angoisse de mort et la capacité de la donner, mais elle la pose au début de la vie. On n'a pas à attendre que l'enfant s'attaque au père, ce qui est un moment qu'elle ne nie pas, mais qui, dans le freudisme, arrive assez tardivement. Mm-hmm. Et elle pense que dès la naissance, et même, on verra, même in utero peut-être, l'enfant est habité par cette destructivité qui consiste à s'intéresser à l'autre, non pas sur la portée du désir, comme disent Freud et Lacan, mais sur la portée de l'angoisse. Je suis dans la vie parce que je suis dans un lien qui m'angoisse, parce qu'il me porte, je l'envie, j'ai envie de le posséder. Pour le posséder, il faut que je le détruise. Et cette destructivité peut se retourner contre moi. Donc c'est très dangereux. Mais en même temps, sur la portée, sur l'onde porteuse de cette destructivité, va se produire quelque chose que Freud, dans un autre texte qu'on connaît moins, appelle la révolution psychique de la matière. Pour elle, ce n'est pas des termes aussi compliqués et philosophiques. Il s'agit de pouvoir se représenter l'objet contre lequel j'essaye de me libérer. Maman peut-être me paraître dévoratrice parce que je veux la dévorer, pleine de monstres parce que je suis plein aussi de mauvais objets qui la représentent. Mais si je la tue et si je la perds, ce n'est pas la fin du monde, c'est que je peux me la représenter. Donc il y a une capacité de la maintenir en moi par l'image que je me fais, par une capacité psychique. Mon psychisme est une résurrection qui m'ouvre un nouveau monde, le monde des symboles. Et elle est constamment sur ce rôle ambigu de la mère qui se prête comme objet de meurtre et qui en même temps est la passerelle vers le symbolisme comme renaissance. Il faut se déprendre de la mère pour penser, affirme Melanie Klein, c'est-à-dire à quel point le rôle de la mère est important pour la constitution du moi, y compris celui qui va en analyse. On va essayer de suivre ensemble, Julia Kristeva, la genèse et la cristallisation de ces particularités qui ont fait de Melanie Klein la fondatrice la plus hardie de la psychanalyse moderne. Ce sont vos lignes. Mais d'abord, vous êtes psychanalyste, membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à l'Université Paris-Diderot Paris 7, où vous avez dirigé l'école doctorale Langue, Littérature, Images et le Centre Roland Barthes. Quel rôle Melanie Klein, selon comment on prononce, a-t-elle joué dans votre propre pratique d'analyste? Moi, je me suis intéressée à Melanie Klein avant d'être psychanalyste. Je regardais, avant de venir vous voir aujourd'hui, mon premier travail sur la littérature à proprement parler, Mallarmé, L'autre et Hermon, sur lequel j'ai beaucoup mobilisé de différentes sources philosophiques, mais aussi le travail de Melanie Klein sur la symbolisation chez l'enfant. Parce que, d'abord, il me semble que le langage poétique est très proche, non pas comme régression, mais comme une reprise, une renaissance du langage infantile et enfantin. Mmh. Et donc, j'ai voulu savoir comment la psychanalyse traite de ces sources primaires du langage chez l'enfant. Et donc, je la cite dès mon livre, qui était ma thèse, sur la révolution du langage poétique. L'idée étant que le poète, pour trouver sa singularité maximale, reprend son infantile et lui trouve une partageabilité à travers les codes de son âge adulte et de la société. Il y a ce va-et-vient entre l'archaïque et le plus élaboré social. Donc, j'en étais restée là avec Melanie Klein. Et quand j'ai devenu psychanalyste, je n'ai pas de secte. Je trouve que la psychanalyse est une liberté maximale de la singularité pour ceux qui s'y engagent et pour ceux qui les écoutent. C'est une sorte de poétique et par conséquent, je me considère ni comme lacanienne ni comme kleinienne. Mais je pense qu'il y a une tradition de la pensée philosophique en psychanalyse qui m'habite et que j'ai voulu refréquenter, approprié à ma façon. Et quand j'ai commencé à écrire ce projet du génie féminin, que j'ai faite parce que mes amies étudiantes m'ont dit « mais il faut que tu fasses quelque chose sur le féminisme », mon idée était qu'on ne peut pas parler du féminisme comme mouvement, parce que comme tous les mouvements, ça dégénère dans un dogmatisme défensif et agressif. Je suis une féministe atypique et j'ai voulu célébrer, d'abord connaître et ensuite faire connaître, la singularité des créations féminines. Et donc on trouve trois volumes, donc Le génie féminin, le tome 1 c'est Hannah Arendt, tome 2 Melanie Klein et tome 3 Colette. Voilà, et donc je me suis emparée de ce mot et génie, paradoxal. Vraiment, Melanie Klein, c'est une génie. Oui, mais oui, mais j'entends ce mot pas au sens d'Hannah Arendt, où elle parle d'un atterrissage du divin chez des hommes ou femmes extraordinaires au moment de la Renaissance, et c'est ça qu'on appelle génie. Moi j'appelle génie ceux qui nous obligent à parler d'elle ou d'eux, parce que leur vie est indissociable de leur œuvre qui s'incise dans l'histoire et nous rencontre. Il y a une cohabitation, une coprésence de la vie et l'œuvre, aussi bien chez Melanie Klein que chez Colette et chez Hannah Arendt, où les épreuves de la vie donnent une œuvre qui traverse les épreuves et donne une vision de ces épreuves et ouvre vers la possibilité de création. Et en donnant ce livre, je voulais que ce soit comme une invitation aux lecteurs ou aux lectrices de chercher les singularités en elles qui les préparent à surmonter les épreuves. Et féminin, vous le définissez, le génie féminin ? Alors, le génie féminin, ben justement, je pense qu'on peut pas le définir. Je reviens parce que je pense que vos émissions se situent dans le cadre aussi de la célébration du 80e anniversaire freudien. De la mort de Freud. De la mort de Freud. C'est le 23 septembre dernier, oui. Et l'Association internationale de psychanalyse à laquelle j'appartiens, freudienne, a fait son colloque au mois de juillet cette année à Londres, consacré au féminin. Et c'est pour la première fois que c'est une femme qui dirige cette société et qu'elle est d'origine kleinienne, comme par hasard. Elle est freudienne, mais avec de fortes connotations kleiniennes. Et elle m'a demandé d'être leur guest star. Et c'est quelque chose de magnifique. Ils font ça dans la Broad Sanctuary de Westminster, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait un texte qui s'appelle « Introduction à une éthique du féminin », où j'ai dit qu'on ne peut pas définir le féminin parce qu'il est transformatif. C'est la capacité du sujet de se transformer de la dépendance originaire de la mère en passant par diverses formes de paternité jusqu'à la créativité singulière qui n'est pas une adaptation mais une invitation à la créativité. Et je pense que le mouvement féministe aujourd'hui aboutit à ce message. Et si ce n'est pas ça, ça sera une impasse nouvelle de totalitarisme. Mais si c'est ça, ça peut dire quelque chose à ces nouvelles formes d'automatisation que sont les démocraties hyperconnectées. On revient à Melanie Klein peut-être. Oui. Melanie Klein, en tout cas, elle-même a peut-être essayé de se transformer à travers son travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien direct entre sa biographie et son travail. Écoutez-la, vous allez la découvrir ici dans un texte qu'elle adresse à Anna Freud, qui était sa contemporaine, et il y a une querelle de dames, on a voulu l'appeler, entre ces deux femmes qui avaient vraiment une importance très grande dans le domaine psychanalytique de l'époque. Écoutez comment elle en parle, c'est lors du colloque de 1927, car ça permet de distinguer sa méthode de celle d'Anna Freud, et donc ainsi de commencer à définir son travail. Écoutez, le texte est lu par Hélène Losseur. Quelle raison possède Anna Freud pour s'abstenir d'une analyse complète qui examinerait sans restriction la relation de l'enfant à ses parents et au complexe d'Œdipe. Anna Freud pense qu'elle ne doit pas intervenir entre l'enfant et les parents, que la discipline familiale serait mise en danger et certains conflits éveillés chez l'enfant si son opposition à l'égard de ses parents était amenée à sa conscience. Je pense que là se trouve la différence principale entre les idées d'Anna Freud et les miennes, qui explique le contraste entre nos deux méthodes de travail. Elle dit elle-même qu'elle a mauvaise conscience à l'égard des parents qui l'emploient, si, selon son expression, elle se retourne contre eux. Dans le cas d'une gouvernante qui lui était hostile, elle fit tout ce qu'elle put pour prévenir l'enfant contre cette femme, détacher d'elle son sentiment positif et attacher celui-ci à sa propre personne. Elle hésite à agir ainsi lorsque ses parents sont en jeu, et je pense qu'elle a entièrement raison. La différence entre nous est la suivante. Je n'essaie jamais et d'aucune manière de prévenir un enfant contre les personnes qu'il côtoie. Mais si ses parents me l'ont confié pour l'analyser, que ce soit pour soigner une névrose ou pour d'autres raisons, je pense que je suis fondée à suivre la voie qui me paraît la meilleure et la seule possible dans l'intérêt de l'enfant. Je veux dire celle qui consiste à analyser sans restriction sa relation à ceux qui l'entourent, et par conséquent, surtout à ses parents et à ses frères et sœurs. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Faut-il tuer Freud ? C'est la question que nous posons chaque jour à chacun de mes invités. Aujourd'hui, on parle de Mélanie Klein en compagnie de Julia Kristeva. Mélanie Klein n'a pas voulu tuer Freud. Elle était en querelle avec Anna Freud, comme ce texte vient de l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les distinctions entre les méthodes de ces deux dames psychanalystes ? Oui, deux remarques peut-être avant d'entrer dans le vif de la nouveauté kleinienne à l'époque et encore aujourd'hui. D'abord, Klein a fait quelque chose de tout à fait particulier qui spécifie une certaine ruse, mais qui fait partie de la transformabilité féminine, c'est-à-dire qu'elle a travaillé tout contre Freud. C'est une forme de meurtre, mais au sens du maître meurtre résurrectionnel, parce que elle n'est pas contre l'Œdipe, elle n'est pas contre les parents. Simplement, elle les aborde avec des profondeurs et au niveau de la violence que Freud a annoncé sans l'aborder directement. Elle ne parle que l'Œdipe tout le temps, mais en commençant par la phase orale, par la phase anale et dès le berceau. Et elle ne s'oppose jamais à Freud. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui blasphème et fait une secte et une scission. Elle reste dans l'institution et elle innove l'institution. Et à ce moment-là, elle rencontre une pensée qui est moins radicale que la sienne, qui est plus pédagogique, qui est plus conventionnelle, comme celle de Anna Freud, et qui essaye d'adapter l'enfant à ses parents, à l'école, aux valeurs, à la loi paternelle éventuellement, en tout cas d'essayer de le libérer évidemment de ses symptômes et de ses angoisses, mais de faire de lui un bon élève, quelqu'un qui se développe bien. Donc la dominance de la pédagogie est très évidente dans la pensée de Anna Freud. Mélanie Klein, que Lacan a appelé une tripière de génie, s'intéresse au fantasme de l'enfant. Et elle pense, contrairement aux gens de l'époque, que dès le début, dès la naissance, et peut-être même avant, mais on y reviendra parce qu'on va conclure avec le reste comme on a commencé, si vous voulez bien, c'est que dès le début, l'enfant est habité par la pulsion de mort. Le bébé est habité par la pulsion de mort et il l'adresse à sa mère, au ventre maternel, qu'il fantasme habité par des monstres qui représentent les fœtus ou lui-même ou des excréments. Donc ces choses qui paraissent ridicules aujourd'hui lui permettent de s'adresser aux phobies des enfants, oui, pour leur dire que ces phobies sont finalement l'expression de la défense de leur agressivité. Alors on va essayer de comprendre tout ça, parce que effectivement, je ne sais pas si ça paraît ridicule, mais ça paraît contre-intuitif. Que signifie essayer de s'adresser ou de partir du principe qu'un embryon lui-même pourrait s'exprimer ? Nous, la première idée qui nous vient en tête, c'est ça. Hé les mecs, il y a quelque chose de froid et de mouillé dans mon short. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider ? Vous entendez ? Hé, au secours ! J'ai froid, je suis trempé, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est rien, Mikey. Maman est là. Maman est là. Alors. Oh, super. Il y a une maman qui vient s'occuper de moi. Elle est sympa. Je l'aime bien. Comme il est mignon. Voyons, essayons de comprendre. Dès que je me mets à pleurer, elle apporte un biberon. Pleurer, ça, c'est dans mes cordes. Au secours! Venez vite me faire faire Moreau. Je vais exposer. Oh, merci. Et voilà! Toi, tu as une maladie exotique incurable. Moi, j'ai une telle tête que je pourrais jouer dans la nuit des morts vivants. Et ton père nous a quittés pour aller se vautrer avec sa décoratrice. J'ose dire sans exagérer que ça ne peut pas être pire. Bonjour. Eh ben, j'avais tort. Ouais, mon petit-fils. Et oui, le pire, c'est quand la mère entre dans la salle, ce qui nous renvoie à ce que disait Mélanie Klein, et à ses propres relations avec sa fille, mais ça, on y viendra, Julia Kristeva. Peut-être avez-vous reconnu le film Allô Maman, ici bébé, qui était sorti en 1989, et qui à l'époque avait fait prendre conscience que peut-être, oui, il y avait une vie peut-être langagière du bébé avant même qu'il ne parle. Mais ce que dit Mélanie Klein, ça va encore plus loin. C'est pas simplement partir du principe que l'enfant pense et parle, c'est qu'il exprime déjà quelque chose par autre chose que les pleurs que nous entendons. C'est ça? Elle pense qu'il y a une fantasmagorie infantile. Et quand que l'enfant vient au monde avec des fantasmes, que l'Œdipe est précoce, qu'il y a un surmoi précoce, et que même, pour ça que j'insiste sur le texte qu'elle a écrit en même temps que l'Orestie, qui s'appelle « Se sentir seul », il y aurait une capacité même de fœtus de sentir un environnement interne. Il n'est jamais seul. C'est ça qu'elle a apporté au monde. L'être humain, y compris in utero, et c'est très important pour les débats aujourd'hui sur la fécondation, sur les relations précoces mère-enfant, sur le désir d'enfant aussi, l'enfant est habité par la destructivité, il faut que je sorte de là, je fracasse maman et puis son sein, il me nourrit mais je vais le mordre parce que il faut que je me dépasse. Oui, que le je sois sein plus fort. Est presque plus important que le phallus pour Mélanie. Beaucoup plus. Le phallus, vous savez très bien de m'en parler, mais vous savez comment elle l'appelle ? C'est l'appendice de la mère, appendage. Alors il y a beaucoup de Kleiniens, non, mais de Freudiens et de Lacaniens qui étaient écœurés parce que comment ça, l'organe qui devient phallique et donc symbolique, l'exemple même de la loi et du pouvoir, et le considère négligemment comme un appendage, un appendice du corps maternel. Parce qu'elle pense, avec toute cette violence de l'enfant dont on vient de parler, qu'il ne se dit pas « Maman, viens, je t'aime ». L'amour, Freud le disait déjà, se construit ultérieurement, beaucoup plus tard. Il dit « Maman, viens, je te dévore si tu ne me donnes pas du lait, et à l'intérieur de toi, je dévore le pénis paternel ». Donc l'enfant et la mère, ce sont des furies dionysiaques qui se dévorent, mais qui vont ouvrir la voie à la vie par cette même dévoration. C'est une dialectique extrêmement complexe et qui se passe par le fantasme. Donc le présupposé, l'innovation fondamentale de Melanie Klein, que l'enfant naît avec de l'angoisse, non pas la pulsion de mort qui l'annule, mais l'angoisse. L'angoisse le pousse vers l'autre et cette poussée est destructrice et entourée de fantasmagories. Alors ces fantasmagories ne se présentent pas simplement comme le mot fantasme essaye de nous le faire comprendre si on se penche sur l'origine grecque, comme des visions. Ce ne sont pas des idées qu'on se représente maman et le sein, etc. Ce sont des affects, des sentiments, des éprouvés. Quand on parlait tout à l'heure le texte qu'on a entendu tout à l'heure, les fesses qui sont mouillées, la bouche qui a faim, la peau qui démange. Donc, ce sont des sensations. C'est du pré-langage que j'appelais moi une cora sémiotique, c'est-à-dire un espace avant l'espace. Le terme est, puisqu'on est dans une émission philosophique chez Platon, d'un réceptacle où le corps n'est pas encore identifié comme corps, n'a pas ses limites, mais c'est un mouvement d'affect et de sensations où il y a, non pas des mots, mais des pré-mots. Platon dira, même les syllabes ne sont pas juste pour ces cris, mais qui sont à l'unisson déjà avec les écholalies de maman et les rythmes du langage des parents. Donc cette musique-là est le premier langage, non pas seulement du chagrin, mais d'abord de la violence, de la destructivité. Mais sur quoi se fonde-t-elle, se base-t-elle pour affirmer l'antériorité de cette destructivité, si ce n'est sa propre dépression? Absolument. Parce qu'elle-même était quelqu'un d'extrêmement Exactement. Dépressif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces génies sont des gens qui ont réussi à vaincre, à traverser leurs propres épreuves, leur propre folie, en leur trouvant un accompagnement optimal pour les autres et en nous donnant des modèles qui peuvent nous servir pour aborder les nôtres. Elle fait le bébé avec ses propres enfants. C'est déjà quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Comment ça ? Mais parce que elle analyse ses propres enfants. En se mettant dans un état de fusion avec eux. Maintenant, on a du mal à imaginer ça, surtout dans la psychanalyse lacanienne où on prête oreille aux signifiants, alors que nous savons maintenant qu'il faut une osmose interne forte avec le patient, avec l'analysant, y compris passionnel, pulsionnel, dont je dois pouvoir me déprendre en tant qu'analyse. Mais il y a un contact que des successeurs de Melanie Klein, comme Bion par exemple, appellent « attwanement », devenir un avec l'autre, une fusion, mais au niveau affectif. Elle s'unifie, elle régresse comme bébé, et en leur parlant, elle fabule, elle joue. Et en racontant ses projections, elle donne à l'enfant la possibilité de s'accrocher à ses mots, plutôt qu'à ses ressentis de pipi caca et de bouche froide ou non nourrie, et de ce qu'on entendait tout à l'heure. C'est-à-dire que elle lui greffe un fantasme. Qui ne comprend pas trop, mais dans la mesure où il entend sa voix qui lui dit quelque chose qu'il comprend plus ou moins, il n'y a pas encore de signification. J'appelle ça un sens. On est dans la sphère antéprédicative de Husserl, où il y a des rythmes, des écolalies, éventuellement des bouts de voix, qui créent ce fantasme kleinien, que j'appelle, moi, un fantasme incarné. Proust, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on n'est pas encore au stade proustien, Proust parle de l'écriture comme transsubstantiation. Il fait le chemin inverse des mots, il essaye de trouver ces états très, très anciens de fusion avec le maternel et peut-être même avant, où les mots deviennent des sensations. Il emploie un terme de la messe catholique qui fait que le croyant mange le corps du C'est-à-dire Christ. C'est-à-dire que le croyant part du principe que ce n'est pas une hostie qu'il a entre les mains, mais c'est le corps vrai véritable corps. Du Christ. Voilà. C'est ça la transsubstantiation. Et, pour Proust, c'est avec la Madeleine, c'est le corps de maman en fait que je mange. Et à chaque fois que j'écris, si je ne mange pas le corps, je ne donne pas à celui qui me lit le sentiment d'appartenir corps et âme à mes mots, je ne fais pas de littérature, je fais du reportage. Donc c'est une espèce d'incarnation qui peut être en substance. Mélanie Klein était sur la même longueur. Mais il y a une différence, c'est qu'un enfant, un Marcel Proust qui a écrit, ça n'engage que lui et ses lecteurs. Un enfant qui est analysé n'a pas demandé à être analysé. Parce que c'est pas un problème pour la démarche analytique même d'un patient qui va voir quelqu'un pour être analysé. Là, c'est un enfant dont on estime qu'il va le mal et un soignant, je sais pas comment Mélanie Klein se présenterait, se greffe au corps et au fantasme de cet enfant pour les l'enfant comprendre. L'enfant n'est jamais seul. Elle part du principe d'abord que dans l'utérus et dans les phases très précoces de l'enfant, il est dans un environnement interne. Il a déjà une poussée vers l'altérité. C'est un animal vivant et parlant qui a la capacité d'aller vers l'autre. Et s'il n'a pas cette capacité, les post-kleidiennes diront il lui manque quelque chose de son équipement, ils vont chercher pour l'autisme quelque chose dans la génétique, et les autres diront il leur manque quelque chose au niveau de l'environnement maternel qui répondrait à ce besoin de contact. Mais si Mélanie est amenée à un enfant, c'est les parents qui lui disent il dort pas, il crie tout le temps, donc il y a une demande de son entourage qui a déchiffré le mal-être de l'enfant et qui l'appelle. Elle ne s'impose pas. Par contre, on peut donc c'est pas vraiment une psychanalyse, c'est une aide. C'est une aide, mais elle réinvente la psychanalyse parce que Freud et Anna Arendt, je dis toujours parce que comme vous voyez, moi je suis habitée par Arendt qui a en quelque sorte initié cet ouvrage sur le génie féminin. Freud va dire qu'on peut pas analyser les enfants, en gros. Parce qu'elle les analyse quand même, mais d'une autre façon et de manière plus tardive, parce que ils n'ont pas de surmoi, ils parlent pas. Ils rêvent pas, ils ne parlent pas. Et Mélanie dit, mais ils ont des fantasmes et ils peuvent jouer. Et donc elle va s'adresser aux fantasmes qu'elle donne d'abord les siens. Mais alors votre question est tout à fait juste. Comment on peut penser que ce n'est pas intrusif, que ce n'est pas abusif, que ce n'est pas séducteur par rapport à l'enfant? C'est une grande question et beaucoup de Kleiniens et surtout d'anti-Kleiniens l'accusent pour ça. Mais elle a une réponse. Elle dit d'abord ça et il voit que l'enfant s'apaise ou change de, le cas Dick nous le montrera, change de comportement et il dit des mots. Il dit ces mots à lui. Et elle est très attentive à la réponse ou non que l'enfant va donner à cette greffe de fantasme de l'analyste qui régresse pour être dans un attouchement avec son patient. Bon, prenons un cas particulier. Écoutons le cas Dick. Non pas Philippe K. Dick, mais le cas Dick, c'est le nom du petit garçon. Voilà. La première fois que Dick vint chez moi, il ne manifesta aucune émotion lorsque la nurse me le confia. Quand je lui montrai les jouets que j'avais préparés, il les regarda sans le moindre intérêt. Je pris un grand train que je plaçai à côté d'un train plus petit et je les désignai sous le nom de « train papa » et de « train Dick ». Il prit là-dessus le train que j'avais appelé Dick, le fit rouler jusqu'à la fenêtre et dit « gare ». Je lui expliquai que la gare, c'est maman. Dick entre dans maman. Il lâcha le train, courut se mettre entre la porte intérieure et la porte extérieure de la pièce, s'enferma en disant « noir » et ressortit aussitôt en courant. Il répéta plusieurs fois ce manège. Je lui expliquai qu'il fait noir dans maman. Dick est dans le noir de maman. Entre-temps, il avait repris le train, mais très vite, il courut de nouveau se mettre entre les deux portes. Pendant que je lui disais qu'il entrait dans le noir de maman, il répéta deux fois, le ton interrogateur, « Nurse ?» Je lui répondis, « Nurse va bientôt venir. » Il répéta cette phrase et la retint. Plus tard, il utilisa ces mots de nouveau, les prononçant tout à fait correctement. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. L'un des apports de Melanie Klein à la psychanalyse est de dire que ce n'est pas le plaisir comme l'avançait Freud, mais l'angoisse qui met en marche le processus d'identification. C'est ce que vous nous avez dit, Julia Kristeva. Un autre apport, et il y en a beaucoup, hein, est sans doute cette différenciation des degrés du symbolisme. Dans l'extrait qu'on entend, on voit bien qu'ici, il y a le symbolisme primaire, et puis il y a ce que vous appelez le fantasme, qui en fait est une voie d'accès à la réalité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, non ? C'est une sorte d'intermédiaire dans lequel va se développer l'imaginaire et toute la marchandise imaginaire que nous avons aujourd'hui, avec l'écriture, mais aussi les gestes, les sons, les images, etc. Mais pour elle, ça sera la manière que le psychanalyste a de mobiliser son inconscient et ses fantasmes pour rejoindre le mal-être de l'autre. En voyant qu'il a des peurs, il ne tète pas, il a des problèmes anaux, etc., ça incite en elle une fantasmagorie qu'elle teste. Et si elle voit qu'il a des mouvements qui répondent, comme par exemple le cas dont on entend tout à l'heure, on parle du noir de maman, qui peut paraître un effet très grossier. Aujourd'hui, oui. On ne le dit pas comme ça, on ne balance pas la scène primitive avec le noir de maman. Il fait noir dans maman, Dick est dans le noir de maman, c'est vrai que c'est surprenant. Voilà. Et lui, il cherche, tout à coup, au lieu de rester paumé devant sa psy, il était supposé être un enfant atone qui ne participait pas, on pense aujourd'hui que ce n'est pas une schizophrénie, mais peut-être un autisme. Tout à coup, il se met à bouger, il se met dans les interstices, dans le noir, entre la porte et la sortie. Donc, elle pense que quelque chose, le noir de maman, lui en a parlé concernant l'espace. Quelqu'un qui était complètement non spatialisé, n'avait pas de relation à l'extérieur, trouve un lieu pour s'abriter, mais il se sent dans ce lieu à la fois protégé et exposé. Il appelle la nurse. Donc, elle voit déjà s'animer dans cet enfant un mouvement de communication avec le monde. Elle aura un autre moment aussi, je crois, avec le même Dick. Elle lui donne un ciseau pour mobiliser en lui l'agressivité. Il s'en fout, les ciseaux, il ne sait pas comment s'en servir. Il est inhibé, il ne savait pas téter, il avait des problèmes de motricité, etc. Il ne prend pas le ciseau. Elle prend une voiture qui a des bouts de bois au-dessus d'elle et les arrache. Et elle dit que elle arrache bébé dans le ventre de la mère ou le caca dans le ventre de la mère parce que le petit garçon en question avait des problèmes intestinaux aussi. Et il la regarde avec un sourire, il dit Patty. Et elle voit que elle dit c'est à la fois ridicule et touchant. Il dit qu'il a compris que la négativité, l'expulsion, qu'est le fait d'aller à la selle, les couches, etc., est un mouvement déjà chez lui qui trouve un mot. C'est déjà une présence du négatif dans la capacité d'accéder à la parole, qui s'appuie sur le ressenti des mouvements négatifs en soi. Donc tout ça va fasciner Lacan. Vous connaissez sans doute le séminaire de Lacan. Le cas Dick se passe dans les années 30. Nous sommes à 54, le séminaire 1 sur les écrits techniques. Lacan va faire venir Hippolyte pour cogiter sur la négativité à partir de Hegel. Mais négativité telle que Mélanie l'avait élaborée à partir de cette violence qu'elle ressent coincée chez l'enfant et qu'en lui projetant ses propres fantasmes conduisent en lui des mots de libération comme « parti »,« je me casse », bon, voilà, des choses qui parlent à Mélanie et que Lacan a hyper conceptualisé. Lacan, en 1958, dit de Mélanie Klein, « Ce fut ce vide que l'enfant peupla des monstres dont nous connaissons la faune depuis qu'une aruspice aux yeux d'enfant tripière inspirée nous en a fait le catalogue, elle est mirée dans les entrailles de la mère nourricière. » Il y a presque la reconnaissance d'une dette hein, dans ce texte. Mais oui, mais tout à fait. mais je pense qu'il a été très, très intéressé par elle parce que cette histoire de négatif qui l'habite sous la forme de l'angoisse et on parlera quelques minutes, nous avons le temps de l'opposition dépressive qui oui, on y arrive autrement. Mais Lacan s'est emparé de cela sans parler dans son séminaire de Melanie Klein, mais en l'invitant, paraît-il, elle a refusé de venir. Donc il y a quelque chose que je traite en langue à travers dans mon livre, mais qui est une question sur le négatif qui habite toute philosophie du langage, qu'ils ont traité dans les grandes controverses avec Anna Freud, qui se passe entre 41 et 45 à Londres. Tout ce monde, il faut imaginer des psychanalystes amoureux de leur travail et qui essayent de découvrir le monde. Il y a les bombardements et les bombes tombent sur eux. Ils parlent du négatif jusqu'à ce que Winnicott leur dit, ben, vous voyez, il y a des bombes, il faut qu'on entre dans le sous-sol. Donc c'est une histoire du négatif qui est tout à fait romanesque. Il faudrait faire un film sur Melanie Klein. Alors oui, ça c'est vrai, l'appel est lancé. Vous l'avez dit, donc elle distingue deux phases de la vie psychique chez le nourrisson, la phase psychoparanoïde et la phase dépressive, qui, contrairement à ce que son nom indique, est en fait une phase de libération. Oui, oui. Mais qui passe par un moment de chagrin. Donc ce sont des stades, elle les appelle des stades... De deuil, je crois, non ? Oui, de deuil et mélancolie, qui est repris de Freud, mais elle appelle la position des positions... schizoparanoïde, où l'enfant justement est clivé, il est malheureux, il n'est pas actif, ou quand il est actif, il est destructeur, il se sent menacé, donc il est schizophrène. Ça, c'est chez tous les enfants, plus ou moins. Vous et moi aussi. Voilà. Donc, mais chez certains, ça prend des formes pathologiques et d'autres l'éprouvent comme des souffrances, passent par des cris qui passent et qui vite s'apaisent et ne donnent pas de conséquences sur la scolarisation, sur la capacité de penser, etc. Mais à force de se passionnée par ces mouvements-là, elle a fait de la psychanalyse un art de la pensée et pas seulement une libération du désir, un désir pour penser et pas le désir pour être anarchiste, maoïste ou chef du gouvernement. C'est pour penser, donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc la position dépressive, elle arrive après la position schizoparanoïde, une fois que le petit Dick dont nous parlons, qui sera le paradigme de l'enfant kleinien, aura réglé ses comptes avec maman, il finit par se rendre compte qu'il peut la tuer. Mais la tuer au sens non pas de l'attaquer, mais au sens de la perdre, de se distancier d'elle. Et c'est un moment extrêmement important qui est la mère qui n'est pas morte au sens de le blesser ou au sens de le faire souffrir. Tout simplement, elle s'absente. Et il se sent coupable. Il se sent coupable. Il pense que c'est à cause de lui, parce qu'il sait toutes les saletés qu'il lui a fait avant de la position schizoparanoïde. Donc, il prend ça sur lui. C'est un surmoi qui était draconien et méchant avant. Oui, ça, elle le dit, hein, que l'enfant, dès la naissance, a un surmoi d'une sévérité extrême. Donc, le surmoi, c'est-à-dire la loi divine, quelque part, si on veut voir comment ça s'appelait dans les religions, est toujours déjà là. Donc, la capacité de faire loi, de se lier à l'autre, est inhérente à l'enfant dès le début. Donc, ça vient pas des parents, c'est intéressant. À un moment donné, donc, il est capable, pour des raisons de maturation neurologique, pour des raisons de soins optimaux, de supporter l'absence de la mère. Et à ce moment-là, il le supporte. Pourquoi ? Parce que d'abord, il suce son pouce, il va sucer l'objet transitionnel, mais après, il les abandonne et il devient triste. Le visage montre qu'il pense à elle. Il pense, il se la représente. Et cette représentation est le chagrin qui est pour elle, qu'il est capable de faire le deuil, c'est-à-dire de garder maman en tant que représentation. Parce qu'il a gardé ses bons côtés et il peut les dire. Et à ce moment-là, il investit non pas le sein, non pas le chiffon pour assouvir sa bouche et puis après faire caca et assouvir l'anus. Il investit la représentation des mots. Il commence à parler en souriant à ses propres mots. Lacan oubliait ça dans le stade du miroir. Parce que dans le stade du miroir, il se reconnaît, il sourit à maman, mais il sourit aux mots. Et Mélanie, qui n'est pas lacanienne, elle sourit aux mots. Elle prend avec le petit Dick qui lui dit « tea daddy », le thé de papa. Il dit « eat daddy », tu veux manger papa. Et l'enfant se met à rire. Donc c'est cette reconnaissance de l'agressivité qui fait que je retrouve une image de moi et de l'autre par le langage, et j'investis le langage qui me permet de surmonter mes agressivités et d'ouvrir la curiosité vers le monde. Et là, Mélanie Klein ne parle pas de guérison, mais de réparation. Voilà. C'est un concept très important chez elle, qui a été repris d'ailleurs par, j'imagine, les penseuses du Caire aujourd'hui. Absolument, mais et là aussi il y a des controverses, parce que quand on dit réparation, on pense à quelque chose qui veut faire entrer l'enfant dans la loi. Je répare pour être conforme à ce qu'on me demande, pour faire bien. Il y a ça, mais elle ne s'arrête pas à ça. Il dit que ce qui est important, c'est d'avoir le mouvement de la curiosité, du dépassement. J'ai dépassé maman dans le langage, mais par le langage, je vais la réparer par un processus continu et inlassable d'invention. Donc c'est le kleinisme ouvert et pas le kleinisme réparateur et normalisant est celui-là. D'où la créativité qui a été beaucoup accentuée par Winnicott, ou la transformabilité par Bion, etc. C'est l'ouverture de la psyché vers des capacités de création. Parce qu'on se demande quel est le critère pour dire que la psychanalyse a réussi. Oui. Moi je dis la capacité de faire des liens avec d'autres. J'ai divorcé, je quitte mon analyste, mais je peux avoir d'autres liens. Et mon prochain mariage n'est pas le seul, il peut y en avoir d'autres. Et je suis capable de parler de curiosité, de traverser mes propres langages et les langages des autres. C'est de pousser, c'est de traverser vers autrui. Et que répondez-vous à ceux qui vous diront que les hommes sont exclus de cette pensée, de même que les femmes pouvaient se sentir exclues d'une certaine théorie du freudisme, enfin pensée freudienne, de même là on se dit si c'est le sein qui est le plus important, si c'est la relation de l'enfant à la mère qui est la plus importante, qu'il faut tuer la mère et que le père est secondaire, quelle place pour les hommes alors dans cette pensée ? Alors, il y a une empreinte très forte dans les premiers textes de Mélanie Klein de sa propre histoire, où elle avait une maman formidable, la fameuse Libussa, qui était une espèce de vamp, pas gentille vraiment, mais extrêmement dynamique, qui accompagnait le jeune couple, qui se faisait appeler Madame Klein. Mélanie ne la supportait pas, mais elle était absolument fascinée par elle. Et un père qui était un médecin, mais assez terne, mais qui avait la capacité de parler 12 langues. Donc ce côté nomadisme à travers la création des langues peut être aussi une image sans père. Mais ce n'est pas tout à fait vrai qu'elle ignore le père. Seulement, dans ses présentations des premiers Klein, des premiers textes de Klein, il est un élément interne à la mère. Il y a le pénis, il y a la représentation du père, mais pour l'enfant, ça passe par l'intermédiaire de la mère, et c'est cet intermédiaire qui est accentué, peut-être à cause de la discussion qu'elle avait avec Freud, pour montrer que du côté des mères, il y a des choses que Freud n'avait pas eues, et peut-être aussi parce qu'elle était elle-même pétrie de cette patte-là. Donc maintenant, les post-Kleiniens ne l'ignorent pas à tel point, le pauvre père. Mais elle va jusqu'à dire « Je pense que les petits-enfants des deux sexes ressentent des désirs génitaux pour leur mère et pour leur père. » Exactement. Donc bisexualité première. Première. Mais en même temps, à partir de la position dépressive, se produit ce découplement. Parce que les parents combinés, si la bisexualité se fixe en une sorte d'indistinction, je ne sais pas qui est quoi, pour elle, ça aggrave la destructivité de l'enfant, sa cruauté, et peut être un obstacle à son développement psychique. Donc, au moment de la position dépressive, il se détache de cette couplaison des parents dans un couple indistinct, et il reconnaît les personnes individuelles et différentes. La différenciation se produit après la position dépressive. Donc, c'est une manière de reconnaître le passage par la reconnaissance de la différence sexuelle comme constitutif de la subjectivité. Alors, question d'aujourd'hui, qui se pose encore aujourd'hui, est-ce que cette hétérosexualité est nécessaire et possible d'être reconduite dans l'accélération des mutations anthropologiques en cours? Est-ce que nous ne sommes pas tous dans une ambiguïté psychosexuelle telle que, comme disait Alfred de Vigny, les hommes et les femmes mourront chacun de son côté et que la différence sexuelle est peut-être le problème? Parce qu'il y a un polymorphisme qui est de deux côtés, de l'homme et de la femme. Et ce serait un problème? ce sera peut-être pas un problème, justement. Donc, c'est pour ça qu'à notre congrès, moi, j'ai dit que notre problème d'analyste est de pouvoir accompagner ces nouvelles formes de sexualité et en poussant plus loin Melanie Klein, comme elle a poussé plus loin Freud. Alors, on a encore énormément de choses à dire sur Melanie Klein, et malheureusement, l'émission elle-même n'est pas infinie. On a parlé de Proust en début d'émission. Je vous propose qu'on l'écoute parce que c'est peut-être l'intervention la plus inattendue par rapport au sujet Le Kleinien le plus inattendu. Le Kleinien le plus inattendu, voici un passage du Temps retrouvé lu par Denis Podalydès. Le chagrin finit par tuer. À chaque nouvelle peine trop forte, nous sentons une veine de plus qui saillit, développe sa sinuosité mortelle au long de notre tempe, sous nos yeux. Et c'est ainsi que peu à peu se font ces terribles figures ravagées du vieux Rembrandt, du vieux Beethoven, de qui tout le monde se moquait. Et ce ne serait rien que les poches des yeux et les rides du front, s'il n'y avait la souffrance du cœur. Mais puisque les forces peuvent se changer en d'autres forces, puisque l'ardeur qui dure devient lumière et que l'électricité de la foudre peut photographier, puisque notre sourde douleur au cœur peut élever au-dessus d'elle, comme un pavillon, la permanence visible d'une image à chaque nouveau chagrin, acceptons le mal physique qu'il nous donne pour la connaissance spirituelle qu'il nous apporte. Laissons se désagréger notre corps, puisque chaque nouvelle parcelle qui s'en détache vient, cette fois lumineuse et lisible, pour la compléter au prix de souffrances dont d'autres plus doués n'ont pas besoin, pour la rendre plus solide au fur et à mesure que les émotions effritent notre vie, s'ajouter à notre œuvre. Les idées sont des succès d'années des chagrins. Au moment où ceux-ci se changent en idées, ils perdent une partie de leur action nocive sur notre cœur, et même au premier instant, la transformation elle-même dégage subitement de la joie. Succès d'années dans l'ordre du temps seulement, d'ailleurs, car il semble que l'élément premier, ce soit l'idée, et le chagrin, seulement le mode selon lequel certaines idées entrent d'abord en nous. Les idées sont des succès d'années des chagrins. En quoi cette phrase est-elle kleinienne, Julia Kristeva? Mais si je me suis fait comprendre en parlant de la position dépressive, c'est en perdant maman que l'enfant, selon Klein, peut se la représenter. Donc avoir une image mentale d'elle. Et il peut à partir de là l'associer par les mots à d'autres situations, donc faire des phrases, faire des syllogismes, penser. Donc la pensée vient à partir de cette tristesse qui signale la perte et la solitude de l'humain. Melanie Klein a beaucoup accentué cette nécessité de vivre ce chagrin qui nous dépossède de la violence, des fantasmes qui peuvent être jubilatoires aussi, le sadisme, le masochisme, que Proust a très bien connu aussi. Mais il a fait La recherche de temps perdu après la mort de sa mère. Les ouvrages avant sont formidables, mais n'ont pas cette intensité sensorielle et affective qu'il a acquis après avoir vécu le deuil de sa mère. Et donc, de ce point de vue, sans lire Klein, évidemment, ils sont sur la même longueur d'onde. Mais j'étais sensible au côté nostalgique qui se dégage de cette lecture et au fait, qui est très proustien aussi, que la joie se teint de tristesse. Vous voulez dire dans la manière dont le texte a été lu par Denis Podalydès? Donc par c'était lu, mais je pense que c'est propre à Proust aussi. Mais c'est le temps retrouvé, et c'est le moment où le chagrin finit par tuer, où il raconte comment ses chagrins d'amour aussi ont failli avoir raison de lui. Proust n'est pas un libertin qui exulte, c'est non. Quelqu'un qui est tout près de la douleur, et donne une joie qui est teintée de quelque chose de nostalgique, justement. Et je pense à cela parce que la libération de la mère par Melanie Klein ne la conduit pas une exultation. Par exemple, si vous prenez le texte de Winnicott, La capacité d'être seul, il conduit la créativité du patient à une jubilation dans la solitude quasi extatique. Alors que quand Melanie Klein parle du fait qu'elle trouve que notre condition est de pouvoir être seule parce que nous avons un environnement interne, nous avons en nous le sens d'une altérité qui nous fait mal mais que nous pouvons dépasser, elle dit ça avec une sorte de sérénité qui n'est pas un bonheur mais qui est la chance d'être seule Et le seul bonheur est de pouvoir la partager, cette science. Mais donc elle appelle à la créativité, on pourrait lire ainsi. On peut le lire comme si, mais cette créativité artistique ou de soi. C'est de la créativité de la penseur qu'elle est, de la soignante qu'elle est, et aussi de celle qui est capable d'assumer la solitude de la création, dans laquelle je suis en contact et en appel vers l'autre, mais ce n'est pas un bonheur exaltant, ça me rappelle toujours l'absence et l'insuffisance qui ont originé cette création. Qui sont les héritiers de Mélanie Klein aujourd'hui? Ou les héritières? Je pense pas qu'il faut penser la psychanalyse comme héritière. Dans ce cas-là, on s'enferme dans des sectes. Il y a la secte des Kleiniennes, il y a la secte des Winnicottiens. Je pense qu'elle nous invite à une créativité en contact et en régression, si on veut, avec l'enfance, mais aussi avec les œuvres imaginaires, avec l'art, la littérature. Par exemple, la capacité d'un analyste de s'unir à une exposition comme celle de Bacon. Et d'en dire quelque chose, ou de lire Proust, voilà. Bacon, dont on parlera bientôt à ce micro. Merci beaucoup, Julia Kristeva, d'être venue nous parler de Mélanie Klein aujourd'hui. Merci à vous et rendons hommage à l'imaginaire qu'est la réhabilité. Exactement, et c'est pour ça qu'on va se quitter, non pas avec une chanson, mais avec un extrait de film, de dessin animé de Miyazaki. Mon voisin Totoro, peut-être l'avez-vous vu, on est en plein dans les représentations imaginaires des enfants, de ces deux fillettes qui se réveillent un matin, elles se rendent compte que des graines qu'un Totoro, un animal un peu bizarre leur avait donné, eh bien ont donné un arbre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontière entre le rêve et la réalité. Mei, réveille-toi. C'est bien là qu'on a planté les graines. Ah ! Ouais ! Ah ! Youpi, ça a marché ! Plus là. Ça a marché. Ça a marché. C'était pas un rêve. C'était un rêve. C'était pas un rêve. C'était un rêve qui n'était pas un rêve. Youpi. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Une information décisive a retenu votre attention. Alors non Adèle, ce n'est pas l'info du siècle, mais elle a effectivement quand même retenu mon attention. Le chef cuisinier Marc Vera a décidé d'attaquer en justice le guide Michelin afin de connaître les raisons de son déclassement. Son restaurant La Maison des Bois ayant perdu sa 3e étoile en janvier dernier. Ce faisant, Marc Vera accomplit quelque chose de fou à mes yeux. Il réalise ce que chacun d'entre nous a sûrement voulu faire un jour, découvrir les raisons précises d'une mauvaise note, d'un entretien d'embauche raté et même pourquoi pas d'une rencontre manquée. Que peut apporter une telle découverte ? Nous vous aimons, vous êtes nos clients dont les yeux brillent dans les étoiles. Nous ne voulons plus celles du Michelin, seuls les vôtres comptent. Non seulement j'ai fait une dépression, mais en plus j'ai vu mes employés, mes collaborateurs, avec les yeux aux larmes. Ils ont travaillé dans les plus grandes maisons. Ils ne comprennent pas. Ils me disent, chez vous, c'est absolument génial, c'est un truc de fou. Quel lapsus, les yeux aux larmes, Géraldine. Mais oui, c'est un lapsus. C'est de loin l'affaire Marc Vera peut faire sourire. Voilà un grand chef étoilé qui ressemble à un enfant vexé, outré, qui veut en découdre et passer devant un tribunal pour réparer son profond sentiment d'injustice. Mais qui n'a jamais ressenti ça? Ce profond sentiment d'injustice, justement, face à un jugement qui nous semble illégitime, face à un verdict qui nous semble injustifié, face à un échec décidé et imposé par un autre que nous. Opacité de la notation, refus de ne plus faire figurer le restaurant dans le guide Michelin, propos diffamatoires, Marc Vera déclare ainsi que les inspecteurs ont osé dire qu'il y avait du cheddar dans le soufflet de Reblochon, Beaufort et Tom. Et oui, vous pouvez rire comme je l'ai fait en lisant cette citation, mais les griefs contre le célèbre guide gastronomique sont en fait très sérieux, car ils pointent deux problèmes qui nous concernent tous. D'abord, celui du jugement qui se réduit à une note, qui prend la forme très formelle d'un classement, qui tombe d'un coup, sans explication, sans justification, sans critères connus, visibles, sans transparence. Et ensuite, le problème d'être jugé sans le vouloir et d'y prendre part malgré soi. Car une fois jugé, comment faire pour s'en débarrasser? Peut-on être indifférent à ce qui est dit sur soi? Quelles que soient les études que vous faites, il est fort probable qu'à un moment ou un autre, vous ayez eu une mauvaise note. Dans cette situation, on est souvent désemparé parce qu'on s'est beaucoup investi, on a beaucoup travaillé pour avoir au final cette mauvaise note. Alors vraiment, c'est très frustrant et on a même envie d'abandonner. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils afin de réussir à surmonter une mauvaise note. On a tous connu ça, une mauvaise note, une mauvaise critique, un flop, un bad buzz même, un plat raté, arrivé en deuxième position, une plante verte qui ne grandit pas, la fin d'une histoire d'amour. La mauvaise note est le symbole de tous ces échecs, petits ou grands, plus ou moins importants, on en connaît parfois les raisons, mais il nous semble toujours manquer l'essentiel, ne pas tout dire, dissimuler la cause ultime de l'échec. Pourquoi là, ça n'a pas marché? Pourquoi en suivant la recette, j'ai pourtant échoué? Eh bien, il faut se rendre à l'évidence, il y a un mystère de la mauvaise note. On aura beau connaître les critères du jugement, on aura beau avoir des explications, quelque chose de l'insatisfaction résistera. Autrement dit, avoir une réponse sur les causes et les motivations de notre mauvais jugement ne répare en rien la déception qu'il cause. Et là apparaît le vrai drame de la mauvaise note et de Marc Vera. Connaître les causes de son déclassement ne résout pas forcément le problème du sentiment d'injustice. Comment faire pourtant avec? J'ai seulement envie de faire plaisir à Naomi pour son mariage. Mais bien sûr, c'est surtout du racolage pour que tous les coincés qui vont t'écouter te filent la note maximale. Naomi était ma meilleure amie. Arrête! Je lui souhaite le meilleur et je lui fais part de tous mes vœux de bonheur. Et oui, c'est vrai, si en prime ça me rapporte un max de points de la part de ses amis populaires, je vois pas où est le mal. C'est quoi ton objectif? Tu vises combien? 4.3, 4.4... 1-1. Me la fais pas à l'envers. Toi aussi, tu gagnes des points grâce à tes potes de jeu. Alors excuse-moi d'avoir de l'ambition. On peut fustiger notre époque, celle où tout le monde se note, se like, s'auto-promeut. On peut en vouloir aux institutions et à leur fonctionnement opaque, voire incompétent, comme le dit Marc Vera. Mais il y a quelque chose qui reste et que dit très bien cette affaire de guide Michelin. C'est cette attention à ce qui nous atteint, l'attachement à ce qui nous défait. Je me suis souvent posé la question en ressassant de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux ou en repensant de temps à autre à mon 7 sur 20 à l'épreuve de lettres au bac. C'est assez cliché de dire que l'on ne se fait pas sans l'autre et son jugement, que les l'échec nous éprouve, mais il y a quelque chose de plus ici, le fait de se constituer à travers quelque chose d'injuste, qui nous blesse, qui nous déchire. Au fond, on fait toujours avec ce sentiment d'échec, de déclassement, de mauvaise note, d'injustice. Parfois même, on l'entretient, on le chérit, on l'exhibe, on le met en scène. Il y a même des losers magnifiques, des victimes grandioses. C'est tout le paradoxe, il faut avoir une grande ambition pour s'accomplir et briller grâce à des torts et des ratés. Et puis n'oublions pas, comme le dit Mélanie Klein, on a tous été dépressifs au moins un jour. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier en compagnie d'Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui était à la prise de son aujourd'hui, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Freud. Enfin, faut-il tuer Freud? C'est la question qu'on se pose chaque jour. Demain, eh bien, ce sera Félix Guattari qui répondra à la question et ce sera en compagnie de Valentin Cheplinck. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie anime un compte qui attend vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, Restez à l'écoute sur France Culture.